Kashmir Radio. Beezen Tales Radio. Radio Radio. Alter Februar in Paracity und die Kälte wie ein Messer im Gesicht spürt. Ich habe mich wieder ins Zimmer zurückgezogen und sehe jetzt der Fernseher. What Johnny went through to get that doctor here. Just because I'll marry Johnny someday, what's that got to do with you and me? Sereias e ciganos, as estradas que eu teria de seguir. Mas é preciso iniciar a abordagem. J'approche mon visage Image. Bonjour, Image. Mon image m'envoie un jet d'eau en pleine figure. Comme une corde et je tire. Mon image sort de l'eau et atterrit à côté de moi. Je perds l'équilibre, je tombe. Les yeux dans l'eau et je vois mon image au-dessus. Elle approche son visage, puis elle me dit à moi: bonjour, image. Je lui envoie un jet d'eau en pleine figure. Elle attrape le jet d'eau comme une corde et elle tire. Je sors de l'eau tellement vite que je deviens un oiseau. Je fais un tour dans l'air. Sur sa tête. Mon image trouve ça drôle. Elle rigole. Elle rit tellement longtemps qu'elle devient une girafe. Une girafe qui me prend pour une cacahuète. Elle m'avale. Je glisse dans un long tunnel noir. Je me retrouve dans une pièce toute noire. Et à côté de cette pièce noire, il y a une autre pièce illuminée. Ça se voit au rayon de lumière qui passe sous une porte juste en face de moi. Tout doucement, j'ouvre cette porte. Qu'est-ce que je vois? Une deuxième porte que quelqu'un ouvre en même temps que moi. Ah, c'est toi, Image. Bonjour, Image. Bonjour, Image. Bonjour, Image. Mon image, sans rien me dire, me fait... Thank you. শোনো চাঁদের আলো পৃথিবীর জীবন ও স্বর্গের স্বপ্ন বিষয়ে বিভোর পর্যটক তার জানতে মাথা নামিয়ে রাখল কোনো অজ্ঞাত কারণে তার সেদিনের স্বপ্ন ছিল সুখ ও সাহসী পৃথিবীর ব্যস্ততা স্বর্গের সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতা এই দুয়েই তাকে ক্লান্ত করেছিল সে হয়তো অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়ত যদি না ভয় থাকত পর্যটক আতঙ্কিত হচ্ছিল এই স্বপ্ন কি অব্যাহত থাকত নাকি সমাপ্ত হবে সে নিজেই বুঝতে পারছিল না যে কোনটা তার আতঙ্কিত নিশানা পায় না, মস্তিষ্ক তার শিকার করে, ক্রমাগত যুদ্ধে হয় রত। হৃদয় নয়, পুস্তকের পৃষ্ঠা যেখানে যুক্তি হয় নিয়োজিত। Go, go, go, go.

Thank you. Thank you. bard, olule malis, olule malis, olule malis, die ilaci chobanis. If I do, Oh,